Let's go. Hoy mi gente viene aquí a celebrar. Todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar. Como una ola que nadie puede parar. Que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde tous unis. Panorama, el juego, la fiebre viviendo en tus sales. Después de la música, dime, hola, quiero parar. Souvenir de moi, j'ai fait des kilomètres. Les yeux pleins de